Rail suprême. Deux heures DJ Case d'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Are you ready? Bienvenue sur Skyrock, c'est parti pour Rail Suprême. Comme tous les dimanches, c'est l'heure de faire la fête. On prolonge la fête même le week-end sur Skyrock. Fred est pas là ce dimanche soir, donc du coup je me retrouve avec DJ Case. Yes, comment tu vas Emeric? Ça va Case? Bah, très bien, on t'écoute tous les après-midi. C'est vrai, c'est le soir, ça change. C'est vrai que ça change, c'est même très très tard là cette nuit. Eh ouais. Bon, on va mettre l'ambiance, on va prolonger le week-end ensemble là, yes. Case. Bah oui. Rail Suprême comme tous les dimanches, alors quel va être le programme de ce soir? Bah ce soir on va tout retourner, hein, comme d'hab, subtil mélange de toutes les musiques actuelles et orientales, donc on va retourner ça, pas pour une heure mais pour deux heures. Carrément. Bon, ouais. Kaïs a l'air chaud. Est-ce que vous êtes chaud? Vous nous le dites, hein. Vous utilisez le hashtag Rail Suprême comme tous les dimanches. On va voir tous les messages qui arrivent dans le studio. Donc lâchez-vous là, hashtag Rail Suprême. Moi, pour une fois que je suis Rail Suprême, j'ai envie d'en profiter avec vous. Donc lâchez-vous et Kaïs, on y va direct. On va te faire écouter du bon rail là. Ouais? Ouais. Je suis prêt, je suis chaud. Préparez un Shazamé. Allez, c'est Rail Suprême comme tous les dimanches sur Skyrock. On démarre maintenant avec Kaïs au platine. Let's go. C'est Rail Suprême. Skyrock. Tu crois vraiment que t'es dans le vrai? Que t'as su saisir ta chance et que ton avenir est tracé? Marine. Je suis pas de ceux qui prônent la haine, plutôt de ceux qui votent et qui espèrent que ça s'arrête. T'as fait couler le navire, Marine. J'ai peur du suicide collectif, des amoureux en couleur, Marine. Pourquoi es-tu si pâle? Viens faire un tour chez nous, c'est coloré, c'est jovial, Marine. J'aimerais tellement que tu m'entendes. Je veux bien être un exemple quand il s'agit de vous descendre, Marine. Tu t'appelles Le Pen, n'oublie jamais que t'es le problème d'une jeunesse qui saigne. Viens, viens, allons éteindre la flamme. Ne sois pas de ces fous qui défendent le diable, Marine. J'ai peur que dans quelques temps t'y arrives et que nous devions tous foutre le camp. Donc j'emmerde qui? Le Front National, moi j'emmerde qui? Le Front National, moi j'emmerde qui? Le Front National, moi que ça s'arrête. Je viens dire ça, mais DJ la mèche, DJ la mèche. Ça le magicien. Tout si ça fait. Ça convient à ça. Yes, man. méchant, qu'est-ce que fait mal à la tête, moi je te dis bye bye. Elle veut mourir, t'en ramène de l'eau et boy. Bella, Bella, tu prends beaucoup, beaucoup. Je me cache, laisse tout, je prends mes jambes à mon cou. Maya. Nous aussi on a nos pompes dans la Tina. Nous pisse mon barrio. Femila, meurtra dans la Camila. Ça danse dans la favela, mi amo. Viens qu'on s'en lâche jusqu'à l'aurore dans les mariages. Nos darons c'est des bijoux triplendor. Mon chacho c'est reggaeton party. En paix, si tu cherches quelque chose c'est Ryan B. Ben Amirani Farhan. L'Algérie a des échoués. منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم hey! نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم معلم لما ضرب الإشارة تعرف نبض الحرارة نظرات الإشارة تعرف نبض الحرارة انت في الحب عبارة خلي العقل حيارة انت عبارة خلي العقل حيارة واللي خلاك ما يفهم يجي يوم تبين واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم او ما تسمع اللي يخدعك انت معلم انت معلم انت معلم احنا منك نتعلم والله انت معلم احنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم How much you all say with me معلم عندك قلبي تعمر يا وسبيب البيضاوي يا مول المجمر

je vais envoyer. Ouais, c'est la reggae. Ouais, c'est la reggae. Ouais, c'est la reggae. Ouais. Ça va barder, c'est Rail Suprême sur Skyrock. 9-3, mais qui va envoyer? 9-4, mais qui va envoyer? 9-5, mais qui va envoyer? 7-5, mais qui va envoyer? 7-7, mais qui va envoyer? 7-8, mais qui va envoyer? Moët, Belvé, Pépé, élevé, le niveau est élevé, le niveau est élevé. Moët, Belvé, Pépé, élevé, le niveau est élevé, le niveau est élevé. Sortez les snaps, j'ai dit sortez les snaps. Sortez les snaps, j'ai dit sortez les snaps. Sortez les snaps, j'ai dit sortez les snaps. Sortez les snaps, j'ai dit sortez les snaps. Tape des points, j'ai dit tape des points. J'ai dit tape des points, tape des points, j'ai dit tape des points, tape des points, j'ai dit tape des points, tape des points, j'ai dit tape des points, tape des points, j'ai dit tape des points, tape des points, j'ai dit tape des points, tape des points, j'ai dit tape des points. La Gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les trois. La Gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les trois. Elle veut le boutin, non, elle veut mon boussin, ça, vrai ou faux, ça, je rentre avec Guy et Mata et Lotti. T'as sur mes cuisses, c'est sur Pilotti. Skyrock chargeur, eh bien Lotti. Faut que je fasse rentrer des gros Loki. J'ouvre une bouteille, le bouchon de liège saute. Elle se retrouve dans l'œil du videur. Il se demande si je prépare une sauce. J't'emmène dans le futur comme dans les visiteurs. J'traîne à côté de ton terche. Je sais que t'es pas ma go. Me demande pas ce que je cherche. Y'a un Pokémon go. J'ouvre l'aileron, j'suis pas la mère. J't'éblouis comme un tas, mais amère. Elle me fait un strip, tease intégral. J'décolle comme ma. J'aurais même si tu fais plaire, billets verts en plusieurs exemplaires. Mon succès sera ta chute. Qu'une chose à dire, je dis pute. La Gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les choix. Elle est venue avec moi, pas avec toi. Tu payes sa conso, elle part avec moi. On est des blinds, et tu débloques. Je te fais la danse du double fuck. Y'a tellement de boules dans le carré VIP. Je regarde le plus gros, je suis habitué. J'ai cru que ce serait une grosse équipe, mais c'est une go qui va me tuer. Elle me regarde, je la regarde. Elle sait que j'ai la trique, elle sait que j'ai le fric. J'allume mon joint, je suis fier de moi. Comme si j'allumais la flamme olympique. Mauvais garçon, cherche une fille bien. Les bons garçons trouvent que des toits. Ton gars là c'est une grosse équipe. Il tiendrait pas une seconde. وعوزوك عليا واش هدا ناري ناري وفرقوك عليا واش هدا الفرق صعيب والربطة غبية ليالي يالي بويا واش كل بلاد ويلي ويلي وعوزوك عليا واش هدا ناري ناري وفرقوك عليا واش هدا الفرق صعيب والربطة غبية واش هدا ناري ناري وفرقوك عليا واش هدا الفرق صعيب والربطة غبية يالي يالي بويا واش كل بلاد ويلي ويلي وعوزوك عليا واش هدا ناري ناري وفرقوك عليا واش هدا الفرق صعيب والربطة غبية خديتي هضمي sur Skyrock. Je n'ai pas le droit de me faire. Yeah. rien de danger. Oriental Dream 2015, c'est l'Alger. Ce soir c'est cabaret, cabaret, j'habille le ballon d'une carabina. J'fais danser les Samira, Khadou, j'ai même Katarina. Hey wa, Yas dans la poche, on est là. Mon son tourne dans les caisses et dans les bois. J'suis dans mon bolide. طورين سوفري كابر نابوليطانو لك رحمة يقاري خلي العديان يقولو لحقوني لداري خويا دلغاشي مالو دنيا قراتني بل العديان يبانو من صوري سوفري كابر نابوليطانو لك رحمة يقاري خلي العديان يقولو لحقوني لداري خويا دلغاشي مالو دنيا قراتني بل العديان يبانو عايش في ألجي وهران ولا ميلانو ريسكي ونبوجي العقلية الباتشينو عايش في ألجي وهران ولا ميلانو ريسكي ونبوجي العقلية الباتشينو dimanche sur Skyrock, c'est Rail Suprême et on voit que vous êtes chaud avec plein de messages qui débarquent dans tous les sens là avec le hashtag Rail Suprême. Merci d'être là tous les dimanches. On vous ambiance avec Keys au platine, il y a eu du bon son là. Hein. Ah ouais, on les voit défiler les hashtags et durant la session on a pu se faire péter un inexclu. On a eu la chance d'avoir un gros big up à Caris, inexclu de son album qui sort très bientôt. C'est Chouin le titre et on l'a fait péter en exclu là ce soir. Donc, il est bon le son, j'ai entendu. Ouais, très très bon. Ouais. Nouveau Caris en exclu, Caris qui sera chez Fred d'ailleurs hein, cette semaine dans Planet Rap, à pas louper. Ouais. Bon ben bravo à toi Keys. Ah, merci. Voilà, est-ce qu'il y a des soirées du coup alors si vous voulez vous ambiancer avec Keys près de chez vous? Alors là ce jeudi je suis au Select, c'est à Strasbourg, jeudi 10 novembre. Le 11 novembre je suis à Tours au Club 80 et samedi 12 novembre à Beauvais au Cristal. Voilà les soirées de la semaine et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur la page fan Facebook DJ Keys et sur Insta, Twitter, Snapchat DJ Keys Paris. Voilà, okay. Bon, Strasbourg, Tours, Beauvais, préparez-vous c'est ça. Pour l'arrivée de Keys pour mettre le feu un peu comme ce soir. Et Rail Suprême, c'est pas fini, loin de là. Ah non. On repart très vite pour une nouvelle session de mix avec toi, Keys au platine. Allez. Rail Suprême comme tous les dimanches sur Skyrock et le hashtag c'est Rail Suprême. Yes. C'est l'un des cadeaux les plus attendus pour Noël. Ah, ça tue. Tu gagnes déjà sur Skyrock. Ah, nickel. Cette semaine, le Morning de Difool t'offre la toute nouvelle PS4 Pro. Wrong round. Hop là, Romano il s'est déjà pris un taquet dans la gueule. Boum. Eh, hey, tu me laisses un peu jouer. Encore plus puissante, des jeux en ultra haute définition 4K. Aïe, aïe, aïe, aïe. Viens choper ta PS4 Pro tous les matins entre 6h et 9h dans le Morning de Difool sur Skyrock. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Yax. Planète 3. 14 octobre 2013, Skyrock te fait découvrir le phénomène Caris. Je suis le fruit de tes entrailles. Je témoigne sur un champ de ruines. 3 ans plus tard, Caris choisit encore Skyrock et dévoile son nouvel album. Caris sur Skyrock. Une semaine avant sa sortie. Ce soir, Planète Rap Caris, 20h-21h, en direct sur Skyrock. À suivre sur les réseaux sociaux et en vidéo live sur le site et l'appli Radio Skyrock. C'est Rail Suprême. Skyrock. DJ Kaze. Don't stop, baby, let me see you wiggle, wop. You don't stop. Girl, let me see you wiggle, wop. moment sur Skyrock.

20 bouteilles, toujours calibré dans le club refrain. On compte en l'air, I get it, I get it. On compte en l'air, talk about it, I live. On compte en l'air, fly cars, I whip. On compte en l'air, big money, I flip, huh? All we do is get money, huh? Pull up in the yacht, count hunters, huh? European car, bad bitches, huh? Fly young rich nigga. Tu ne verras pas sucer pour des loaves. Pour avoir ta chatte, t'auras jamais du mot. 6.3, frérot, je te vois plus. Si tu parles au day, je suis toujours à l'affût. Nouvelle caisse, nouvelle yacht, Rolls Royce, pétasse, constable. 20 bouteilles, toujours calibré dans le club refrain. On compte en l'air, I get it, I get it. On compte en l'air, talk about it, I live. On compte en l'air, fly cars, I whip. On compte en l'air, big money, I flip, huh? Nothing can stop me, I'm all the way up. My Knicks run game, we ain't never leave, never leave. Counting up some money, we ain't never sleep, never sleep. You got V12, I got 12 V's. Got bottles, got weed, got molly. I'm all the way up. Shorty, what you want? I got what you need. Shorty, what you want? I got what you need. Shorty, what you want? I got what you need. I got broads in the lounge. To be in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van, legacies, family, way and see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the helmets, legacies. Jumpin', jumpin', jumpin', them boys up to something. They just spent like 2 or 3 weeks out the country. Them boys up to something, they just not just bluffing. You don't have to call, I hit my dance like Usher. Ooh. I just found my tempo like on DJ Mustard. Ooh. I hit that Ginobili with my left hand, though, like, woo. Lobster and saline for all my babies that I miss. Chicken finger, french fry for them hoes that wanna I think I'm Big Meech. Huh? Whipping work. One Nation. Real niggas getting money from the My Rolls Royce, triple black. I'm Skyrock. Ballin' in the club, bottles like I'm Meech. That's my nickname. C'est Rai Suprême. C'est Rai Suprême. Biggest boss and I've been in Trillis. I'm a bigger problem when I click with Sprillis. Murder on my mind, it's time to pray to God. My revolver's not religious, the revolution's born. You wanna know my name, then go and tell us all. You wanna know my game, Suicide Squad. Pistol on my waist, might make a mistake. Head shot, oh my God, am I crazy? Drugs every corner, this is Gotham City. Killer croc, came to kidnap you, then cut out your kidney. Ain't no mercy, got that purple Lamborghini lurking. Rosé, so she know that pussy worth it. Flooded Rolex at the Grammy Awards. They still selling dope, that's those Miami boys. Killers everywhere, it ain't no place to run. Forgive me for my wrongs, I have just begun. Ain't no mercy, ain't no mercy. Got that purple Lamborghini, lurking. Ain't no mercy, ain't no mercy. Got that purple Lamborghini lurking. Rai Suprême, 2 heures, DJ Case, ambiance avec tous les sons du moment. The Skyrock. Et si on changeait de vie, Rai Suprême, minuit 2h avec Fred et DJ K sur Skyrock. Quand c'était dit, ça vaut tout l'or du monde. Et si on allait sur une île ou sur une planète vide, peu importe le prix, ça nous rendra plus forts.

Et rien que ça blablate. Moi j'en ai rien à battre. donner sa droite. Ça se passe à sa poche, à droite. Et bien que ça blablate. Moi j'en ai rien à battre. Pas de là, on va te faire mal. On danse sur les pimpes, on s'est infernal. Tu me fais le gros, tu n'en mets pas 30 balles. Et tu parles trop quand t'es au tribunal. Tu te sens mal, tu te sens mal. Depuis que tu occupes un, tu n'as plus d'amis. T'as gâché ta vie coulée, mais qu'est-ce qui t'a pris? c'est DJ Case. Retrouve-moi tous les dimanches soirs à partir de minuit pour Rail Suprême. On Skyrock. Ok, ok. خاطر تقول مان الحفلة ديروها والليلة ربلوها راهي أنا موت في خاطر تقول مان Skyrock. J'allume c'est DJ Kaze. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rai Suprême. سرع لي سرعي تدودية استاد برشيد كازاق محمدية كاراج على الزبادة ولا سلمية أولاد بن حمان عايشين بالنية ألبان دي ميستاريو جيجة حميدة لاشفرتي موطر يعطيك سيدة أولاد كازا صحب طربيدة هزو ديكم ليما نايدة وجدع قنيطرة ممكن نسو فاس نطلع نسيمة باش نتنفس ولا بودة فخاطر بيبي مناجيب مهدي ولا ياسين أنا اليوم مع جيجة حميدة أنا اليوم مع ألبوني أنا سميتي يوكا تاكا وفينا فينا أخوتي أنا اليوم مع جيجة حميدة أنا اليوم مع ألبوني أنا سميتي يوكا تاكا وفينا فينا أخوتي يا البابور يا مونا وفينا وفينا أخوتي معكولي الفيزا والباسبور وفينا وفينا أخوتي جدي باك لغاب Un fond d'Audia, mon vrac m'a dit matra même. J'ai de la Belgia, piscine, villa, robot dans un riad. Vodka, whisky, 3 kilos de grillade. Mida au platine avec qui on fait la gif. Des pompes platine, des pompes turines. C'est la fête, jet set, bouteille trosée. La bête étalée et ne névrosée. On est heureux en tirant l'air, ça de fantasia. Fais moins de temps, tu vends, bouge ta chahma. Ouais, c'est halla, soir, ce c'est hammi. Maman n'aime pas ce que vend Hammi. Anna l'youma m'a dit Jahmida. Anna l'youma m'a Al-Bondi. Anna smidi yukadaga. وفينا فينا اخواتي انا اليوم مع جيجة حميدة انا اليوم مع البوني انا سميتي يوكا تاكا وفينا فينا اخواتي يا البابور يا مونا وفينا وفينا اخواتي معطيوني الفيزا والباسبور وفينا وفينا اخواتي بدي وانا الملاح فك لي خداش راشد لا كوت سي جير اون روك فيلر سور جو شعبي جتنس لا رومبا بارلو زنمي تي فيري دلا روندا Édition Cosmos présent DJ Mourad Tout l'été J'ai bossé ça depuis des années. Si j'ai bossé, bossé, ben c'est pour les centimes. J'fais du sale, mon refrain, l'équipe passe pas fané. J'fais les lycées dans le vini, car ce soir j'suis dans mon délire. Ouais, pour ça, ça devient terrible. Ouais, ouais, ouais, ouais. Parle pas trop de folie, même mon bled, on est reconnu. Mon frère, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et Blue Love, Charlie, ouais, n'a pas rien dansé. Le DJ Mora, ta copine est danger. Frère, par le bled, ça va pas changer. J'suis toujours le même, y'a que l'état qui a changé. Y'a Younes, la France, in Alboulou. C'est DJ Kaze, retrouve-moi tous les dimanches soirs à partir de minuit pour Rai Suprême. On Skyrock. We'll be right back. mais je la vis. Ils savent tous qui je suis coté, je sais ce que j'ai coté. Big up à tous mes frères, toujours en train de traficoter. Le compte pour un blindé, c'est pas savoir sur qui compter. Je suis en colloque avec moi, j'aime dans ma tête. Je passe qui se passe, j'ai plus trois gars, je voyage toute la terre. Je rejoins l'espace, c'est tout pas gâché. Pour ma charge, prends le selfie, j'ai l'air de Jackass. Pour l'instant, si je suis sur la piste, au platine, c'est DJ Kaist. Hey, hey. FM sur Skyrock. Yeah. L'Algérie c'est notre mère. Elle est la terre de mon père et ma mère. Et c'est le soleil qui nous éclaire. Bien vu à la place, Rachid Arabe. On ramenait jamais ce qu'on volait à la baraque. Par peur de faire marave. Débrouillard, plus tout jeune, un gosse du Rachid System. Peur et conscient de son potentiel. En France, si facile se retrouver au Hebs. Halafi, on trempe dans des coups, des trafics. Je suis toujours un petit reflet, toujours à l'affût, vicieux d'El Spa. La débrouillardiste ça, c'est le coup de grippe Rachid System. Pour ceux qui ont pas froid aux yeux, les adeptes extrêmes qui tentent de faire recette, se mangent des coups, se relèvent. Et parfois c'est fatal, ça semble interminable comme les Jifada. Avec les moyens du port dans tous les domaines, on a la hache, t'as les trabendo. Et si on tourne au vert, critique, photo, aussi vrai que j'aime mon pays et que rien ne vaut, c'est l'arche de système, gros. À l'entrée ça refoule, on n'accepte pas les pétards. Accompagné de Skyrock, veut danser. Le physio qui est à la porte ne parle pas un mot français. 2m10, 5 landos, un bon morceau. Mais ce soir c'est sûr qu'on aura de bons morceaux. Dans les poches, plein de bifton, de quoi m'amuser. Prendre la bouteille et étaler sur un canapé. Reste enroulé autour du bras, tout le monde est sur la prise. Petit pas synchronisé qu'on a répété à 10. Moi et mes complices, dans la même longueur d'onde. J'ai déjà choisi ma go, pour mon pote j'ai repéré. Y'a du monde dans la salle, les trois quarts en la coste. Le DJ a ses platines, sa mixette et son vieux poste. Son vieux poste, nos bons délires on les a pas oubliés. Les bonnes soirées, y'en a pas des, y'en a pas des. Entre Jack, on donne ça à l'ancien comme au bon vieux temps. Pour nos potes ceux qui traînent avec nous, c'est que te le rappelle du ghetto. Jackpot, oh. Miami, South Beach, bringing the heat, Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out, Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest to spill. Me and Charlie at the bar, running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami, bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Rail Suprême, Skyrock. Très gros Rail Suprême, comme tous les dimanches sur Skyrock, avec Case déchaîné au platine. C'était kiffant, cool. Emmerich. Hein. Ah, franchement, c'était un plaisir de t'avoir ce dimanche soir. Et vous aussi, vu les messages. T'as pas l'habitude d'Astor là. Hein. Non, c'est vrai. Ah, mais c'est vrai, je suis encore chaud. Hein. On va avoir du son toute la nuit. Mais Case, on a quand même 2-3 infos à rappeler. Yes. Avant de passer la nuit avec le bon son rap R&B non-stop de Skyrock, tu passes la semaine prochaine dans plein de villes. Ouais, dans plein de villes. Alors ce jeudi, je suis à Strasbourg. Jeudi 10 novembre, c'est au Select que ça se passe. Le 11 novembre, vendredi, au Club 80, c'est à Tours, et samedi au Cristal à Beauvais. Voilà, toute cette semaine, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux DJ Case, DJ espace KAYZ. Voilà, faites péter, ça a été un super plaisir d'être avec toi, Emeric, ce soir. Un vrai kiff, merci à Fredo de m'avoir filé le bébé Rail Suprême ce dimanche soir. On fait un gros coucou à Fred. Yes, qui reviendra dimanche prochain, et puis dès ce soir avec Caris au micro. Bonne nuit tout le monde avec le bon son de Skyrock, ça repart dès maintenant sur la première radio urbaine mondiale. Yes. Merci Case. Ciao. Ciao tout le monde. Planète 3. 14 octobre 2013.